Vous écoutez, j'ai passé l'âge pour m'arrêter, t'es pas assez large. Tous les bails se passent à l'étage, gros me négligé, fallait pas. Pour dormir, il est pas assez tard, pour m'écouter, t'es pas assez barge. Jamais je balance assez de part, avant que ça tienne, j'tire assez de part. Père de larmes ne s'assèche pas, mais tout ce qui brille ne s'achète pas. Ennemi au sol ne s'achève pas, dans tes yeux nuit ne s'affaisse pas. C'est pas que j'en ai, mais j'porte mes couilles, c'est pas que j'en ai, moi j'vide les douilles. Après tant de bouteilles à la mer, ivresse me dit, allez vide les toutes. J'roule à toute vitesse, j'appuie jamais sur le frein. Il parle la première place, mais je la prendrai haut la main. J'roule à toute vitesse, j'appuie jamais sur le frein. Il parle la première place, mais je la prendrai haut la main. Hola, hola main, j'viens pour braquer. Hola, hola main, j'viens tout rafler. Hola, hola main, j'viens pour braquer. Hola, hola main, j'viens tout rafler. Fais des films sur Alibi, j'mets pas de crime sans alibi. Blanchir linge sale, on évite. Tous les huettes, ça va aller vite. Beaucoup de sang sur le bandana. Comme Badak, on ne voit plus que ça. C'est normal que j'fasse bande à part. Foncer dans le tas, moi j'vois plus que ça. Dans le daron, je me perds. Pour la daronne, j'veux la mer. Tu penses vraiment que j'suis la mer. J'suis 20 milieux sous la mer. Des erreurs, j'en fais tellement. Tu te demandes qui j'suis réellement. J'roule à toute vitesse, j'appuie jamais sur le frein. Il parle la première place, mais je la prendrai haut la main. J'roule à toute vitesse, j'appuie jamais sur le frein. Il parle la première place, mais je la prendrai haut la main. Hola, hola main, j'viens pour braquer. Hola, hola main, j'viens tout rafler. Hola, hola main, j'viens pour braquer. Hola, hola main, j'viens tout rafler. Elle te dit qu'elle t'aime et elle ment. Première place avant de tellement. J'roule à toute vitesse, j'appuie jamais sur le frein. Il parle la première place, mais je la prendrai haut la main. J'roule à toute vitesse, j'appuie jamais sur le frein. Il parle la première place, mais je la prendrai haut la main. Hola, hola main, j'viens pour braquer. Hola, hola main, j'viens tout rafler. Hola, hola main, j'viens pour braquer. Hola, hola main, j'viens tout rafler.